Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, Gaëtan Gosselin à l'antenne. Heureux de vous retrouver ce soir sur les ondes sonores de CKRL, la radio qui aime le son. J'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, de converser avec l'artiste sonore, théoricien du cinéma, professeur et chercheur universitaire, Richard Bégin, un gars de la région de Québec. Cette conversation, cette rencontre fort chaleureuse avec Richard est le fruit, il faut le dire, d'un beau hasard, une découverte artistique qui nous rappelle l'adage que nul n'est prophète en son pays, puisque j'ai eu le plaisir d'écouter ses travaux sonores sur une plateforme européenne, le label italien Reverse Alignment, et puis sur le label de Silent Old, un label situé, dit-on, entre Montréal et le Royaume-Uni. Richard Bégin développe depuis quelques années une réflexion artistique et académique autour des relations qu'entretiennent la machine, le corps, le son et l'environnement. Spécialiste en études cinématographiques, professeur à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, Richard Bégin s'intéresse à l'art radiophonique, aux documentaires sonores et aux sonorités, évidemment, cinématographiques. Dans le cadre de ses recherches, Richard Bégin accorde une importance particulière aux questions technologiques, somatiques et esthétiques, ainsi qu'aux problématiques liées à la pratique documentaire, visuelle et sonore. Mes travaux proposent, dit-il, l'analyse des relations complexes et écologiques qui se tissent entre les corps, les appareils, les dispositifs et les milieux, ces relations qui génèrent de nouvelles perceptions de sensibilité et de connaissances. Ces thèmes de réflexion alimentent, il va sans dire, les projets de création sonore de Richard Bégin qui vont ponctuer ce soir l'entretien qu'il m'accordait à propos de ses récents travaux artistiques. Alors on écoute les travaux, les œuvres et les commentaires de Richard Bégin. Richard Bégin, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer. Ça me fait plaisir, Gaëtan. Richard, c'est une tradition dans le cadre de l'émission. Je demande à mes invités qui sont dans le champ de l'expérimentation sonore ou artistique au sens large, là, quel a été de ton côté le moment d'éveil à ces musiques hors normes, inclassables, à ces sonorités pour lesquels on est passionné? Ben en fait, ça remonte très loin. Je dirais que le moment fondateur, si l'on veut, c'est lorsque j'avais 14 ans, 15 ans à peu près. J'étais déjà fan de musique, mais bon, comme n'importe qui, en fait. Mais j'ai grandi à Lévis. Et l'un des endroits où j'aimais me rendre déjà à 14-15 ans, c'était dans une boutique de disques sur la rue Saint-Jean. Donc, les gens de Québec de mon âge s'en souviendront, c'est chez Vinyl, un magasin de disques sur la rue Saint-Jean où j'allais régulièrement et le propriétaire me faisait entendre des choses que j'avais jamais entendues évidemment auparavant, du krautrock allemand, des trucs bizarroïdes, Faust, Cannes. Donc, c'est comme ça que tranquillement, je me suis fait un peu l'oreille à des expérimentations sonores et puis. À partir de là, j'ai commencé à écouter beaucoup de ce type de musique-là. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis fait, je dirais, ma culture sonore et culture musicale au départ. Donc, ça vient de là. Et déjà là, à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à gratter la guitare, mais surtout à m'intéresser au son que produisait l'objet guitare, plus que de tout simplement de faire des notes. J'ai pas une formation de musicien, donc je cherchais pas à jouer de la guitare comme un vrai guitariste aime en jouer. Je cherchais surtout à produire des sons, puis à retrouver un peu le feeling sonore que je retrouvais par exemple dans ces vieux disques expérimentaux allemands. Et ça ne constituait pas tout de même tout ça une raison suffisante pour faire des études plus approfondies dans le champ de la musique? Tu as été plutôt du côté des sciences sociales ou... En fait, non, j'ai fait mon cégep en art, j'ai fait mon baccalauréat en art plastique, donc j'étais curieux du domaine des arts de manière générale. Donc, j'approchais aussi la musique de ce point de vue-là. Pour moi, la musique, c'était aussi une forme d'expression artistique au même titre que la peinture, le cinéma expérimental et tout ça. Donc, j'ai eu comme ça ce type d'éveil musical-là à travers les expérimentations artistiques au sens large. Donc, j'approchais la musique de la même manière que, par exemple, j'approchais la peinture, la sculpture, les installations durant mes années en art. J'intégrais aussi beaucoup d'ambiance sonore dans mes œuvres, surtout dans mes premières œuvres vidéographiques. Donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler de manière un peu plus sérieuse sur la musique. Mais ça s'est fait vraiment sur le très long terme. Hein. Ensuite, j'étais en duo avec une chanteuse musicienne. On a fait de la musique pendant des années ensemble. On a enregistré beaucoup de cassettes, mais on n'a rien publié. Mais donc, j'ai expérimenté pendant des années. Richard, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ton univers sonore, on va écouter un titre. Ça compte parmi peut-être tes premiers travaux, en tout cas ceux qu'on retrouve là, sur les plateformes. Ça s'intitule « Les chants somatiques 2 ». C'est paru en 2016. Et on va écouter la pièce qui s'intitule « Soma 2D » et on poursuit ensemble cette conversation. Alors, on écoute ça. Richard, dans ton univers de création, tu fais énormément référence à la technologie, à tout un vocabulaire aussi qui t'accompagne. Je pense à l'idée de somatique, à l'idée d'ontologique, l'art, le documentaire sonore. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de cet univers qui t'habite et qui résonne, je dirais, dans tes projets de création sonore. Ben, c'est un univers sonore qui est beaucoup, je crois, imprégné par mon intérêt pour le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma, évidemment, parce que bon, je suis professeur de cinéma, j'enseigne le cinéma, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans le cinéma aussi, ce sont les sons. Et pas la musique de film plus particulièrement, mais davantage le design sonore. Et je dirais que s'il y a une influence marquée pour mon univers sonore, ce serait justement cet aspect cinématographique. Lorsqu'on écoute un film, pas seulement lorsqu'on le regarde, mais lorsqu'on l'écoute littéralement, j'aime ces sons, ces bruits qui construisent des espaces, qui simulent des mouvements. Qui crée des affects en quelque sorte. Et c'est un peu ce que je tente de reproduire dans mes créations sonores. Je dirais pas en ce sens-là que c'est des créations sonores cinématographiques, mais c'est influencé justement par cet univers cinématographique où par le son on a accès à tout un univers que le visuel ne nous offre pas toujours nécessairement. Donc cet univers-là est beaucoup influencé par l'environnement sonore du cinéma. Et si le documentaire sonore, par exemple, m'intéresse beaucoup aussi, c'est que j'ai toujours été très, très fasciné par la façon avec laquelle un documentaire sonore va travailler justement avec les bruits. Comment à partir des bruits, on va réussir à susciter chez l'auditeur un affect, que ce soit une attente, une appréhension, un désir ou quelque chose d'autre. Donc c'est toujours très, très abstrait, mais je pense que ça, c'est un peu à la base donc, de mon intérêt pour un type d'environnement sonore. Richard, est-ce qu'on peut dire que c'est une mode de création qui s'apparente à ce courant qu'on appelle le cinéma pour l'oreille, ou si tu es dans une voie un peu inverse, au sens où le cinéma pour la création d'œuvres en tant que telles qui s'éloigne un peu de la théâtralisation en tant que telle? C'est effectivement peut-être proche, oui, de ce qui a pu être fait dans certaines expérimentations radiophoniques, ce qu'on appelle bon le cinéma pour l'oreille. Si on remonte, par exemple, aux travaux de certains cinéastes de l'avant-garde dans les années 20 et 30, je pense à Walter Ruttmann, qui avait réalisé un film, Berlin, symphonie d'une grande ville, mais qui avait aussi réalisé une œuvre radiophonique qui s'appelle Weekend, qui est une œuvre sans image, mais qu'avec des sons. Et je dirais que tout ce filon qui part de ces expérimentations de l'avant-garde chez Vertov, par exemple, avec son cinéma pour l'oreille, mais aussi ce qui s'est fait par la suite avec la musique concrète chez Pierre Schaeffer, et ainsi de suite. Je pense qu'effectivement, là, oui, j'y retrouve énormément de choses dans lesquelles je me reconnais. Donc, oui, il y a une part de cinéma pour l'oreille et justement un type de cinéma qui joue pas sur les représentations ou qui tente pas de raconter une histoire. Je tente pas de raconter des histoires à travers mes œuvres sonores, mais je tente plutôt justement de produire ce type d'affect qui était produit dans certaines œuvres radiophoniques expérimentales déjà il y a plusieurs années. Oui, Richard, on va en profiter pour écouter une autre création, celle-là tirée de l'album intitulé Le Domaine, c'est paru en 2020, une création intitulée Figure 1, et puis on reprend notre échange. Thank you. Richard, j'allais te demander quelles sont tes sources d'inspiration. Je pense que tu as déjà un peu répondu à la question. J'avancerai plutôt du côté du processus maintenant parce que, bon, je vois en arrière-plan les univers à la fois théoriques, didactiques, artistiques qui t'alimentent. Sur le plan du processus, comment surgit un projet de création en tant que tel? Parce que c'est toujours un peu mystérieux, un peu le mystère. Qu'est-ce qui nous amène à la réalisation d'une œuvre, d'une création? Comment ça démarre chez toi? En fait, le processus en soi est mystérieux, puis je dirais qu'effectivement, il est mystérieux parce que c'est un processus, c'est-à-dire qu'un processus, c'est toujours en devenir, c'est toujours en transformation, et je pourrais difficilement pointer un moment où je pourrais dire, voilà, j'ai débuté cette pièce à partir de ce moment. Cette pièce a ses origines, a ses fondements à un moment particulier. C'est pas comme ça que je travaille, je dirais même que parfois je retravaille des pièces ou des œuvres sur lesquelles je m'étais arrêté il y a 2 ans, par exemple. Donc, c'est vraiment un processus toujours en perpétuelle transformation. C'est un processus continu. Mais quand même, concrètement, je pourrais dire que ce processus-là s'effectue en 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a une part où je collectionne des sons qui proviennent soit de vieux disques vinyles que je vais retrouver dans des friperies, par exemple, des disques obscurs, des sons que je vais enregistrer avec mon appareil enregistreur portatif, des sons qui proviennent de la radio, des sons de technologies, d'appareils qui fonctionnent bien ou qui fonctionnent mal, bref, ça vient d'un peu partout, et même de synthétiseurs. J'utilise parfois des synthétiseurs, mais en trafiquant la sonorité pour que le synthétiseur sorte un son qu'on n'est pas habitué d'entendre, par exemple. Donc je collectionne ces sons et ensuite je les agence. C'est pas du collage comme tel, c'est des agencements. C'est-à-dire que, bon, j'écoute un son et je me dis, ah, il y a cette sonorité-là, ce ton que je retrouvais dans un autre son qui s'agence bien à tel moment, et puis hop, comme ça, je bricole. Donc c'est moins de la composition que du bricolage, je dirais, en ce sens-là. Et parfois, j'ai l'impression qu'une pièce semble être terminée, je n'y touche plus, je réécoute le lendemain et je suis déçu, je la mets de côté et je la retrouve 2 ans plus tard parce qu'elle m'a hanté, par exemple. Donc, c'est comme ça. Et puis, à un moment donné, j'arrête, tout simplement. Je me dis, bon, ben voilà, je pense que cette pièce-là est prête pour vivre d'elle-même. Et là, à ce moment-là, je les laisse aller. Donc, c'est assez mystérieux comme processus parce que c'est parfois, en 2 heures, j'ai quelque chose que je trouve absolument extraordinaire, alors que d'autres fois, ça va être au bout de 6 mois où là, whoop, une pièce de 3 minutes va finalement se poindre. Puis je suis le premier à trouver ça mystérieux, et je crois que c'est une bonne chose parce que c'est ce mystère-là qui permet de préserver l'aspect très intuitif, je pense, de la composition ou du bricolage. Thank you. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission avec le créateur sonore Richard Bégin. Alors restez des nôtres, je suis de retour avec vous après un bref, très bref battement promo pour la suite de cet entretien avec Richard. De la Terre à la Lune. Quatre amis visiteront le cottage ce soir. Accueillez-les bien, nous disons. Quatre amis visiteront le cottage ce soir. Accueillez-les bien. C-K-R-L. Je puis être musique, bruit, silence. .qc.ca. Communication. Culture. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est la croche-oreille jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez les pièces entendues ce soir sur le site La Croche-oreille ainsi que les très nombreuses émissions archivées pour écoute immédiate ou en différé. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Vous retrouverez également l'émission sur les plateformes dédiées au balado. Au programme de cette deuxième demi, la suite de ma conversation avec Richard Bégin, spécialiste des études cinématographiques. Il est directeur, entre autres, de la revue Études cinématographiques, une publication de l'Université de Montréal. Richard est également compositeur, créateur sonore, enseignant et évidemment passionné d'art sonore et d'art radiophonique. C'est à cet égard, d'ailleurs, que Richard souligne qu'il s'intéresse à un phénomène qui n'est pas banal, l'étude de ce qu'il appelle la mobilographie, ce que l'on pourrait définir par cette action qui consiste à l'enregistrement de la mobilité. Phénomène rendu possible, dit-il, par les différents appareils portables, lesquels font dialoguer entre elles des approches diverses qui vont du matérialisme écologiste à la théorie de la complexité en passant par l'anarchisme épistémologique et les nouvelles phénoménologies. Tout un programme, je vous l'avoue. Mais voilà, à propos de son dernier album intitulé « Section fragile », Richard Bégin propose des sonorités qui oscillent sans cesse entre drone ambiant, bruit de ressort, bruissement métallique subtil, guitare tantôt déformée, tantôt déséquilibrée. Il nous a parlé en début d'émission de ses expérimentations de jeunesse à la guitare, aiguille de platine brisée, tournant sans fin, brume électronique de souvenirs lointains, échantillons de musique oubliée. Bref, parfois rêveur, parfois difficile à déchiffrer, l'album Fragile Section nous mène là où le son s'effondre pour devenir quelque chose d'indéfini, mais plein de sens. Voilà ce qu'on retrouve là sur cette pochette de disque, sur les informations qui accompagnent le projet. L'univers du catastrophique et de l'effondrement est d'ailleurs un de ses thèmes d'exploration artistique et académique. Alors voilà, je reçois ce soir Richard Bégin en conversation. Seconde partie d'émission, on écoute ça. Thank you. Richard, on vient d'entendre une pièce qui est tirée d'un récent album qui s'intitule Fragile Section ou encore Section Fragile, une pièce qui s'intitule La nature de la particule. J'aimerais bien que tu me parles de cet album, de ce projet qui est publié en Europe, qui est diffusé en Europe. Je l'ai découvert, je t'ai découvert à travers cet album. C'est un album extrêmement intéressant. On y retrouve là des points de convergence reliant le somatique, les technologies. J'aimerais que tu me parles de cette idée qui gouverne cet album. C'est un album qui représente bien, à mon avis, là où j'en suis rendu dans ma démarche sonore. L'aspect somatique dont tu parles, je crois qu'il est aussi beaucoup plus présent. Là. Quand on parle de somatique, on parle évidemment de corps, de corporéité. Et ce que j'essaie aussi de produire et d'exposer dans mon travail sonore, c'est cette idée de d'être situé dans un espace, mais aussi d'être situé dans un espace dans lequel il y a de la matière, de la matière sonore évidemment, de la matière à laquelle on se frotte, qui fait en sorte que l'oreille est prise dans une flagrante situation de présence corporelle. C'est difficile un peu à expliquer, mais je suis un peu dans cette démarche-là où je tente justement de produire des environnements non seulement sonores, mais des environnements physique, des environnements de matérialité. Donc ça, c'est l'aspect somatique et je crois qu'il est très présent dans Fragile Section parce que justement, j'en suis rendu là dans ma démarche. Il y a souvent cette idée qu'on retrouve dans les textes qui accompagnent tes projets, bon, outre le somatique, il y a cette idée de relation aux technologies, aux machines. Et il y a aussi un élément, tu me diras si j'ai raison autant, mais il y a quelque chose d'un peu proche de l'eschatologie, là, où il y a comme une attente vis-à-vis des transformations qui pourraient être brutales, la catastrophe. On retrouve ces éléments dans ton univers sonore. Ah oui, ben ça c'est sûr que ça se retrouve cet aspect eschatologique-là aussi parce que dans mes recherches, dans ce que j'écris, dans mes travaux en tant que professeur, je travaille beaucoup sur l'imaginaire du désastre et de la catastrophe. Et un projet qui m'occupe depuis quelque temps, c'est comment justement il est possible de rendre la catastrophe par le son. Et comment, justement, l'utilisation de certains appareils sonores permet, ou justement, peut-être, d'exprimer cet aspect catastrophiste ou désastreux. Et j'essaie de faire un peu comme on a fait en art visuel avec les iconographies du désastre, comment il est possible de faire, on pourrait appeler ça une sonographie du désastre, et mes productions sonores s'inscrivent dans une forme de sonographie du désastre. Comment il est possible par le son de laisser s'exprimer la violence, la faim, la solitude, la catastrophe, le désastre. Bon, tout ça est très négatif, évidemment, mais en même temps très enthousiasmant parce que on est entouré au quotidien de ces sons catastrophistes, désastreux. Ça va du petit craquement que vous entendez la nuit et qui vous réveille et qui vous fait poser des questions sur est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison, à ces bruits lointains. Moi, j'habite proche d'une gare de chemin de fer et parfois j'entends ces bruits de train la nuit au loin avec toute cette réverbération. Ça a quelque chose qui... C'est indicible. On ne peut pas dire ce que ça provoque comme émotion, mais ça provoque quelque chose. Et c'est aussi ce type d'agencement sonore que je tente de produire. Richard, on va écouter. Est-ce que ce sera dans cet esprit? J'avais élaboré un choix auparavant, mais on va écouter tout de même une très belle pièce qui s'intitule Lavoisier. Là aussi, un titre qu'on retrouve sur l'album Fragile Section. Thank you. Richard, bon, tu l'as mentionné en cours d'entrevue, tu enseignes le cinéma, tu mènes des projets de recherche qui concernent le documentaire sonore et plein de champs de réflexion. Et je prends l'art radiophonique, entre autres, là, qui est un de tes sujets de prédilection. J'aimerais ça t'entendre sur cette question de l'art radiophonique actuel. Comment il s'exprime? Est-il en voie de disparition ou encore est-il en voie de transformation? Quelle lecture tu fais de la réalité radiophonique en termes de champ de création artistique? Ben, l'art radiophonique a une longue histoire, hein, et puis on aurait peut-être tendance à croire que puisque la radio en tant qu'appareil de diffusion disparaît lentement mais sûrement depuis plusieurs années, on aurait tendance à croire que l'art radiophonique disparaît par la même occasion, alors que non, au contraire, je crois que l'art radiophonique s'est jamais aussi bien porté, surtout depuis l'Internet, depuis la balado-diffusion, et c'est possible maintenant de créer des œuvres peut-être beaucoup plus complexes et participatives que c'était possible, par exemple, à l'époque du broadcast radiophonique habituel. Mais déjà, l'art radiophonique, je pense à un artiste de documentaire sonore, Yann Parantoen, en France, qui, bien qu'il produisait des documentaires sonores proprement dit, avait une approche du travail sonore qu'il rapprochait davantage d'une forme de musicalité. Il se disait lui-même compositeur aussi. Et ce travail qui se fait sur le son, ça se fait évidemment, ça doit se faire en musique. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'art radiophonique diffère? C'est qu'on se retrouve là avec un médium de l'instant, de l'instantané, un médium où les sons se voyagent se produisent au moment où ils sont captés. Donc, il y a un aspect de l'art radiophonique fort intéressant où on joue aussi avec l'espace et avec le temps. Et lorsqu'on écoute ce qui se fait, par exemple, dans les ateliers d'art radiophonique en France surtout, mais ailleurs aussi, aux États-Unis, par exemple, il y a les Kitchen Sisters qui font des choses absolument formidables. Il y a plusieurs festivals aussi, donc c'est très, très, très dynamique. Et j'aime cette idée, justement, de produire des sons dans l'instant et qui, du moment où on l'entend, il est déjà disparu, il est déjà passé. Dans un monde idéal, j'aimerais un jour produire une pièce comme ça qui s'auto-générerait sur un canal radiophonique, mais qui serait toujours différente, toujours ne serait jamais la même en quelque sorte. Et ça a quelque chose aussi, je trouve, de fort intéressant, car ça exprime aussi énormément de choses sur notre époque, le temps qui passe, la disparition, etc. C'est très intéressant. Ça me rappelle cette idée d'un théoricien du cinéma qui parlait d'images à genèse automatique. Alors là, on pourrait penser à imaginer une radio à genèse sonore automatique. Cela dit, Richard, on va tout de même entendre une autre pièce, une autre création, celle-là tirée d'un album très intéressant qui traite de cet esprit de catastrophe que tu évoquais, un album intitulé « Machine Mycelium ». Du travail que tu mènes en 2021-2022, donc assez récent. On va écouter une pièce intitulée « Crains de Florence ». On écoute ça. Richard Bégin, on pourrait poursuivre. On aura sûrement la chance de se reparler de toutes ces questions de radiophonie, de cinéma sonore. Mais pour conclure notre échange d'aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles des projets sur lesquels tu es en train de travailler, que ce soit sur le plan sonore, que sur le plan de la réflexion aussi, sur le son et des médiums qui nous environnent. Ben, sur l'aspect, disons, davantage académique, c'est ça, je travaille actuellement sur un projet de, comme je disais tout à l'heure, de sonographie du désastre, donc la représentation en son des catastrophes climatiques, les guerres, etc. Mais d'un point de vue plus créatif, je travaille depuis le début de l'été sur un gros objet, machine mycélium à nouveau, mais cette fois-ci, c'est sur 6 pièces d'environ 20 minutes et j'y travaille un peu à la manière du processus dont je parlais, c'est-à-dire c'est 6 pièces de 20 minutes mais que je travaille dans un va-et-vient continuel. Je travaille sur un bout de pièce, ensuite je travaille sur un autre, parfois je reprends des parties d'une de ces pièces-là que je ramène sur un autre. Et puis ça devrait, d'ici un mois ou deux à peu près, être terminé. Mais ça va être aussi 6 longues pièces, très catastrophistes à nouveau. Très intéressant. Richard Bégin, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre. Et on se dit, comme à l'habitude, on se dit à la prochaine. Grand merci. Ben, merci à toi, Gaëtan. À la prochaine. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie du créateur sonore Richard Bégin, que je remercie chaleureusement de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur les labels Reverse Alignment ainsi que The Silent Old et sur son site personnel, le tout également diffusé sur la plateforme Bandcamp. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir et les références sur le site La Croche-Oreille. Alors voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Alors voilà, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. CKRL 89.1.